Chapitre 8e. Vers 6 heures du soir, le break 304 de gendarmerie fait irruption dans le chemin. Louis, la belle-mère, à son bord. Paula en descend la première, plus rayonnante que jamais. « Salut !» nous fait-elle en balançant joyeusement son sac de voyage. « Eh ben, belle-maman, tu fais plaisir à boire !» Gigi se laisse embrasser par sa mère sans lui adresser un sourire. « Mais qu'est-ce qu'elle peut être rancunière, tout de même ?» Quant à Louis, il extirpe son corps de rugbyman de la voiture et vient à notre rencontre. Il a toutefois l'air moins tendu qu'hier. Gilda ne le laisse même pas toucher terre et le cueille en plein vol. « Alors, c'est pour quand le mariage ? » fait-elle d'un ton acerbe. « Ben, justement, bafouille Louis, on a pensé que... »« Ah ben, on en apprend tous les jours, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ?»« Gilda, je ne suis pas en train de plaisanter. Je n'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment. » Je ne vois pas ce qu'il y a de comique ou de farfelu là-dedans. S'offusque Louis. C'est peut-être un peu rapide, non? À nos âges, on n'a plus vraiment le temps de faire le tour de la famille et des amis pour leur demander leur avis. Je t'expliquerai ça quand tu seras de meilleure humeur. Et de toute façon, nous ferons ce que nous aurons décidé. Eh ben, voilà qui clôt le débat. Au cas où Gilda n'aurait pas compris qu'on ne lui demandera pas son avis, même s'il le souhaitait. Une légère rougeur montre qu'elle a eu du mal à avaler la réplique. Mais contre toute attente, elle garde le silence et reste tranquillement assise. Je prends Louis à l'écart pour laisser retomber la pression pour avoir des infos fraîches. Serge se joint à nous. Alors, du nouveau ? Ce matin, j'ai relâché Michel. Pour ne pas qu'on le prenne pour un suspect au café en achetant mes clopes, j'ai fait. Ce pauvre Michel est innocent et c'est une victime de la machine judiciaire. Du coup, tout le monde le plaint et plus personne ne le prend pour un coupable. Bon, tant mieux. Mais à part ça, tu avances ? Oui, enfin, si on veut. La cousine de Denise est venue témoigner spontanément. Grâce à elle, on a eu l'adresse d'un des amants qui habite justement Bréau, rue du Château. C'est avec lui que Denise a eu un rapport dans l'après-midi avant de mourir, dans le camion, comme d'habitude. C'est l'amant lui-même qui nous l'a confirmé. On a eu beau le cuisiner pendant 2 heures, on n'en a rien sorti. Mais on l'a gardé, pour faire bonne mesure. Il est innocent, c'est certain. Pourquoi voulez-vous qu'il aille subitement viander une maîtresse qu'il a depuis plusieurs années ? Jalousie, ça ne tient pas debout, puisqu'il nous a donné les noms des 2 autres amants de Denise. Ils se connaissaient depuis longtemps. Oui, nous savons. Ah bon ? Vous savez ça aussi ? Eh ben fouille merde, va ! En tout cas, on a serré les 2 autres, mais leur cas est analogue au premier. Pas de mobile apparent. Mes hommes sont en train d'essayer de les ramollir, mais je ne pense pas qu'ils arrivent à un résultat. « Et vous les avez gardés ? Putain, vous êtes gonflés dans la gendarmerie !»« Mais non, couillon ! C'est surtout parce qu'ils voulaient se venger sur n'importe qui. Ils n'ont pas l'air d'avoir inventé la poudre, alors je préfère qu'ils digèrent un peu l'événement avant de les relâcher dans la nature. »« Ah, alors si c'est ça, d'accord. »« En revanche, il y en a un qui le cobra dit quelque chose. »« J'arrive pas à me rappeler, mais ce serpent, ça me parle. »« Oui, » qu'il a dit. « Si la mémoire lui revient, on avancera peut-être un peu. » « Et si tu mettais ta baraque sans dessus-dessous, peut-être que tu trouveras le tampon, qui sait ?»« On va s'en occuper, t'inquiète, avec mes hommes, ça va pas traîner. Perquisition en règle des 3 domiciles, demain, dès l'aube. »« Si tu continues à creuser, je crois que tu vas finir par trouver quelque chose. » »« Bien sûr qu'il faudrait qu'on trouve quelque chose, parce que le moral des Viganais commence à descendre dans leurs chaussettes. »« Moi, dit Louis, je suis persuadé que les victimes connaissaient très bien leur assassin. » C'est une affaire de clocher ou de famille. Je sens que la vérité se cache dans les murs du Vigan, dans l'histoire récente de la ville. D'ailleurs, en accord avec le juge, je laisse définitivement tomber la piste d'un malade venu de l'extérieur, style l'Espérance, pour me concentrer sur les autochtones et leur passé. Tu arrives aux mêmes conclusions que nous, Louis, et ça me fait plaisir. Justement, à ce sujet, je reçois ce soir la fille qui a divulgué notre identité, sans penser à mal d'ailleurs. Sa cousine est d'ici et nous allons essayer de la sonder un peu, on ne sait jamais. Elles vont venir ce soir et je préférerais que tu ne sois pas là, pour ne pas donner l'éveil. Le cas échéant. Ne le prends pas mal, Louis. Tu sais que je te raconterai absolument tout ce que nous aurons appris. T'inquiète, Gino. De toute façon, avec l'accueil que m'a réservé ton épouse, je préfère rester chez moi ce soir. J'en suis sincèrement désolé, Louis. Gilda a peur de perdre sa mère. C'est contre elle-même qu'elle a une dent, mais pas contre toi. Je vais la sermonner. Elle est encore jeune par rapport à nous. Elle a réagi de façon un peu viscérale. Ça va lui passer. J'espère parce que Paula s'en fout complètement, elle. Elle prend sa fille encore comme une gamine qui fait sa crise. Mais moi, je ne réagis pas de la même façon. Gigi est ta femme et pour moi, si elle persistait dans une opinion défavorable, ça m'embarrasserait beaucoup. T'inquiète, j'ai compris, Louis. On n'a jamais dit qu'on allait se marier. On aimerait juste faire un bout de chemin ensemble. Vous allez repartir et nous, on a envie de continuer encore un moment. Et qui sait, peut-être pour le restant de notre vie. C'est compréhensible ça, non? Merde alors. Louis, dit Serge, ne te prends pas la tête. Faites toutes les deux ce dont vous avez envie et basta. Louis est un peu rasséréné de nous avoir parlé et d'être conforté dans ses intentions. Avec un vague sourire, il me fait. Il me reste encore un an à tirer et après, je viendrai peut-être dans les Bouches-du-Rhône. Gilda pourrait voir sa mère tous les jours. Louis, arrête. Je t'ai dit de ne pas te prendre la tête, lui répète Serge. Allez, fous le camp, lui fais-je en riant. Tu repars avec la miss? Y a intérêt. Autant profiter, c'est les vacances, non? Une fois Louis et Paula partis, Gilda et moi avons une explication des gravures au sujet de sa mère et de Louis. Sentant qu'elle fait sa tête dure, Sylvia se permet de venir mettre son grain de sel. Contre toute attente, Gilda l'écoute calmement. Imagine que ce soit l'inverse. Essaie de te mettre à la place des autres un peu. La vie de ta mère n'est pas finie, loin de là. Jusque-là, elle a dû refuser des occasions pour se consacrer à toi et te protéger. Tu ne lui as pas mené la vie facile avec tes histoires de bar. Mais maintenant que tu es casé, elle a droit à un peu de liberté. Tu ne trouves pas bien, Louis? Mais si, la question n'est pas là. Mais je trouve que c'est un peu rapide. Après tout, elle ne sait rien de ce type. Mais justement, attends, ils vont apprendre à se connaître. Et ta mère, qui soit dit en passant, est aussi chiante que toi, ne refera pas sa vie avec n'importe qui. Je laisse Sylvia planir gentiment les préjugés de Gilda et je m'escape en emportant la bouteille de Glenlivet et les cacahuètes pour m'imbiber et réfléchir avec Serge en attendant nos deux invités qui ne sauraient tarder. Alors que nous n'avons pas encore trempé nos lèvres dans le whisky, la rune douce de Valérie surgit dans le chemin. Au passage, je fais remarquer à Serge que Valérie ne m'a pas demandé où nous habitions. Comment l'a-t-elle appris? Mystère à éclaircir et un point de plus en faveur de l'hypothèse de la culpabilité de la cousine. La voiture ayant été laissée à une trentaine de mètres, nous avons tout loisir de détailler les deux femmes qui viennent vers nous. La cousine est une femme très grande, mince, à la démarche souple et ample. Son short assez court laisse voir des jambes longues, bronzées, très musclées, aux attaches fines. On sent la sportive régulièrement entraînée et qui doit certainement surveiller son régime. Son court t-shirt blanc tout simple laisse voir un ventre plat aux abdos en béton mais ne révèle aucune poitrine. Ses cheveux blonds, presque blancs, très courts et frisottés, ses sandales de missionnaire à lanières parachèvent le portrait d'une femme d'une quarantaine d'années au caractère fortement androgyne. Elle a des traits réguliers, un peu grecs, mais nulle ombre de maquillage pour mettre en valeur ce profil de Parthénon. On ne peut pas dire qu'elle est belle, mais anatomiquement parlant, elle pourrait l'être. Ajoutez à cela des yeux mordorés au regard troublant, et vous aurez devant vous un très bel animal ou un sexe symbole en puissance. De toute évidence, une des fées a oublié de se pencher sur son berceau pour faire éclore la merveille qui se cache sous l'enveloppe, à moins que ce ne soit la vie qui ait étouffé la transformation de l'églantier en rosier. Valérie nous fait la bise et sa cousine nous broie la main d'une poignée de fer avec un pâle sourire. Je vous présente ma cousine, Sarah. Après les présentations des quatre adultes présents et des deux enfants, je m'adresse directement à Sarah, bien décidée à nouer avec elle une conversation fournie, si c'est toutefois possible. Valérie m'a dit que vous étiez prof de gym. Je crois que nous l'aurions deviné quand même, sans qu'elle nous le dise. Ce disant, je la détaille de haut en bas, avec un regard d'esthète, ce qui n'a pas l'air de la gêner et qui déclenche même un sourire timide. Oh, vous savez, ce n'est pas mes cours de lycée qui me donnent cette ligne. Pendant un cours de gym, je passe mon temps à houspiller les traînards, empêcher les élèves d'aller se planquer aux toilettes, sans compter ceux qui feintent carrément dès le début. C'est bien rare que je termine le cours avec le même nombre d'élèves qu'au départ. C'est vrai que ça ne doit pas être facile. Quel âge ils ont, vos élèves? De 15 à 18. Ce sont les filles les plus pénibles. Elles sont odieuses, en fait. Elles ont toujours une bonne excuse pour ne rien faire. Des maux de tête, les règles, le mal au cœur. Est-ce que je sais, moi? N'importe quoi. Certaines ne sont même pas capables de courir sur 20 mètres. Avec les garçons, j'ai moins de mal. Peut-être parce qu'ils veulent vous épater? Bon, risque pas. Il en faut beaucoup pour qu'un homme m'impressionne. Eh ben, mon pauvre Gino, te voilà fixé sur le jugement flatteur de la Sarah sur les hommes. En la regardant de près, je sais qu'elle peut plaire à certains hommes, ceux qui aiment être dominés, traités comme des chiens. Je me plais à l'imaginer en corset noir et porte-jartel, avec une casquette en cuir, et donnant des coups de fouet. Serge, qui a décidé de me donner un coup de main, lui demande à brûle-pourpoint « Vous ne nous avez pas amené votre mari ?»« Je vois que vous êtes bien renseigné, » répond-elle en glissant un regard appuyé à Valérie. « Nous sommes séparés, mon mari et moi. » « Ah, pardon, fait Serge, je ne savais pas. Ce n'est pas grave, c'est de l'histoire ancienne. »« Et si nous parlions un peu de vous, » fait-elle, pour nous faire comprendre qu'elle ne dira plus sur son compte. D'une belle souplesse pour son âge, elle plie les genoux et place ses deux talons sur le bord de la chaise près de ses fesses. J'attaque bille en tête. « Bon, je vois que vous saviez déjà où nous habitons, vous connaissez notre profession. Je crois que relativement à notre vie ici, vous en savez déjà pas mal. » Par contre, vous ne devez pas avoir eu vent de nos exploits marseillais, si j'ose dire. Elle n'a pas tremblé d'un cheveu quant à sa connaissance de notre domicile viganais. Peut-être va-t-elle me fournir une explication sur la façon dont elle l'a apprise. Je brûle de connaître vos exploits, me fait-elle en réponse. Nous nous sommes taillés une réputation de taux d'élucidation, comme nous disons, assez important. Serge commence à lui raconter brièvement deux ou trois affaires réussies auxquelles j'apporte quelques compléments. Elle a l'air positivement ravie et sous le charme. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça, moi? C'est autre chose que de faire avancer un troupeau de veaux. Essayez de se mettre à la place de l'assassin, découvrir ses motivations, le traquer. Ça doit être passionnant, non? Eh bien justement, que pensez-vous des deux récents assassinats? Je remarque, encore une fois, ce sont des femmes qui sont visées et qu'on considère comme de la chair de boucherie. Vous n'avez pas peur, Sarah? Je ne pense pas correspondre au profil des victimes du tueur, si vous voyez ce que je veux dire, fait-elle en désignant son corps des deux mains. Et d'abord, qu'est-ce qui vous dit qu'il y a un seul tueur? Il y en a peut-être deux. Ah, vous croyez? Et pourquoi pas? Des fois, un meurtrier donne des idées à d'autres, non? Ce n'est guère probable, car il aurait fallu que le deuxième meurtrier connaisse le modus operandi du premier, qu'il le lui ait raconté, par exemple. Ce n'est pas possible autrement puisque les circonstances exactes du premier sont restées secrètes. Beaucoup de femmes au Vigan commencent à avoir peur, dit Serge. Eh bien moi non, mais justement, pour certains vous pouvez peut-être paraître inaccessible. Qui sait, un de vos élèves rêve peut-être de vous toutes les nuits, dis-je en riant. Elle secoue la tête de droite à gauche, me signifiant par là que je suis complètement mature. Il ne manquerait plus que ça, tiens. J'avais oublié que dans votre métier, il faut avoir une bonne dose d'imagination. Moi, l'imagination, mon boulot de dingue, me l'a complètement tué. Pourtant, ça devait vous plaire au début de faire prof de gym, non? Bof, j'ai fait ça parce que les études étaient payées. J'aurais tout aussi bien pu entrer dans l'armée. Eh bien, il fallait entrer dans la police. Vous pouvez toujours passer un concours avec le bagage que vous avez. Oh non, maintenant, à 45 ans, la messe est dite, vous savez. Je remarque dans l'œil mordoré de Sarah un éclat de nostalgie et de tendresse qui me laisse supposer que cette femme a le même potentiel d'amour que chacun d'entre nous, mais qu'il n'a pas prospéré, pour des raisons qui me sont inconnues, pour l'instant. Et si vous changez de poste, suggère Serge. Non, ça je ne peux pas. Je suis lié au Vigan, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes né ici? Lui demande Serge. Non, je suis né au Maroc. Mon père avait là-bas un atelier de mécanique. À l'indépendance, la famille s'est rapatriée sur Béziers et après... Mon père a pris une part dans une petite usine de bas, ici au Vigan, et j'ai fait mes études au lycée. Mais l'usine a périclité et mon père a fait faillite. Nous étions complètement ruinés. Le pauvre n'a pas supporté ça, il s'est suicidé. C'est pour cette raison que j'ai fait l'école normale où mes études étaient payées. Ma mère n'avait plus du tout de ressources. J'ai pu racheter l'appartement que nous avions sur le quai, et voilà. Mais je n'aime pas parler de tout ça. Je commence à comprendre les désillusions sentimentales de Sarah. « Excusez-nous, Sarah, promis, on ne vous embêtera plus avec ça. » Sylvia et Gilda, qui papotaient jusque-là avec Valérie, se joignent à nous. La conversation prend un ton plus décontracté, on parle de tout et de rien, des attraits de la région, de ses inconvénients, de la canicule de juillet, et pour rester sur une note policière, de l'affaire des égouts de Nice et du casse de Spaggiari, qui recueille une admiration unanime, même de notre part. On sait apprécier le bel ouvrage, même si c'est hautement répréhensible. Après avoir réussi à ce que Sarah nous tutoie et qu'elle goûte un fond de whisky, nous nous séparons, contents comme cochons, en ayant promis à Sarah que nous lui rendrions visite sur le quai en faisant nos courses. Serge et moi avons un peu forcé sur le Glen Livet. Aussi, c'est la faute de Sarah qui nous a excités comme des poux, avec son mystère et ses yeux froids, qui prennent par instants des colorations si chaudes. Tant pis, je n'ai plus de Glen Livet. Il faudra se rabattre sur du Johnny ou du JB, si tant est qu'on en trouve au Super U. Après avoir avalé un bouillon de poule pour pouvoir digérer les cacahuètes et les pistaches, Serge et moi montons nous coucher chacun dans sa carrée. Quelques minutes plus tard, allongés sur le dos, jambes écartées dans la demi-obscurité, Gigi et moi écoutons le silence par la fenêtre grande ouverte sur le ciel étoilé. « Qu'est-ce que tu penses de cette Sarah ?» lui dis-je. « Je la trouve vachement belle, » me fait Gigi. « Tu as vu les jambes et le ventre plaqué là ? Même en faisant des abdos tous les matins, je n'en aurais jamais un comme ça. » « Ben heureusement, tu trouves ça beau, toi. Dès qu'une femme ressemble à une planche à pain, ça vous fait fantasmer, vous les filles. En tout cas, t'as vu la force qu'elle a dans les mains ?»« Elle est tout à fait capable d'avoir ratatiné Colette et Denise. En plus, elle n'a pas moufté quand j'ai fait allusion au fait qu'elle savait où nous habitions. Elle a très bien pu venir punaiser le billet sur la porte. » Et je me suis arrêté de parler quand j'ai entendu le petit ronflement de bébé de Gigi. Elle a l'inestimable chance de s'endormir rapidement, quand et où elle veut, alors que moi, je tourne et vire pendant plus d'une heure, pour finalement sombrer dans le sommeil. En plus, au contraire de beaucoup de gens, l'alcool ne m'endort pas, mais a sur moi le même effet que le café. C'est dire que demain, je me lèverai sûrement très tard. Je remonte le cours de mes pensées. Ayant plus de clairvoyance dans le noir que la lumière, je me dis que l'acharnement que je mets à étayer l'hypothèse de la culpabilité de Sarah est ridicule. L'assassin doit être tout bonnement un type un peu zarbi, qui en avait marre de baver devant ses sex symboles qu'étaient Colette et Denise, sans pouvoir se les taper. Un jour, le foutre le prend, et il décide de supprimer les objets de ses obsessions en assouvissant du même coup sa vengeance. C'est aussi simple que ça. Et Louis est dans le vrai. Il ne faut pas compliquer les choses. Même la Bible le dit, heureux les simples en esprit, et non pas les simples d'esprit. Le gars doit tout de même être frustré de la publicité qu'il attendait de son cirque avec le tampon de cobra. C'est par là qu'on peut tenir et le pousser à la faute. Il faudrait tout de même arrêter le carnage, des fois qu'il y ait d'autres poids alléchants dans la contrée, voire protéger ses femmes au besoin pour éviter le pire. Il faut que demain j'en touche un mot à Louis. J'en parlerai aussi à Michel. Bien que misogyne, il a bien dû reluquer quelques beautés affriolantes depuis qu'il est ici. Il a peut-être remarqué un homme seul, pas un culte, plus de 40 ans, qui circule à vélo et qui ne doit pas rouler sur l'or. Il va bientôt être 22 heures. L'homme s'est rencogné dans un endroit sombre, près de la sortie du pont sur l'Ar, côté faubourg. Il sait qu'Arlette finira bien par passer pour rentrer chez elle. Tous les mardis, elle va dîner chez sa mère qui habite à côté de l'église. Ensuite, elle emprunte le vieux pont pour rentrer chez elle où son mari dort déjà, vu qu'il commence son boulot à 6 heures du mat. La nuit est douce, et Arlette ne portera certainement sur elle qu'un chemisier. Combien de nuits a-t-il passé à penser à elle, en fermant les yeux, à imaginer ses jambes aux cuisses fermes, ses seins lourds et chauds, sa bouche pulpeuse à la moue un peu boudeuse. Tous les matins, quand il va prendre les clés de son camion dans le bureau d'Arlette, il la relue qu'elle a dérobée. Il a même été jusqu'à faire tomber le trousseau par terre, pour pouvoir mater ses cuisses et ses mollets, c'est dire. La température, la légère brise qui apporte les derniers effluves de la journée et caresse la peau, le chant d'une ou deux grenouilles, tout contribue à exalter sa libido. Il ne sait pas où tout ça va le mener, mais il ne peut continuer ainsi. Il lui faut passer à l'acte, et tant pis pour ce qui arrivera. Il s'exhorte pourtant au calme, car dans ce genre d'action, il faut être rapide, déterminé et dominer parfaitement la situation. Il sait que plus il est opérationnel, moins Arlette le sera. La première fois qu'il a fait ça, il avait frappé d'abord et tripoté après. Mais ici, son intention première n'est pas de la tuer. Il la veut chaude et réactive. Même si la chose se passe mal, il faudra bien qu'il la fasse taire pour toujours. Lui n'a pas de tampon, mais ça n'est pas essentiel. Éventuellement, il fera un gribouillis sur une fesse. Tout à coup, il perçoit un martèlement lointain de l'autre côté du pont. À n'en pas douter, ce doit être les talons d'Arlette. Il l'imagine, marchant d'un pas décidé et nerveux, faisant jouer les muscles de ses jambes, balancer sa poitrine, comme lorsqu'elle traverse la cour de l'usine, sous le regard libidineux des autres employés. Les pas se rapprochent, il vaut mieux qu'il la prenne de dos. De cette façon, elle ne le verra pas arriver, et il pourra la maîtriser d'un bras, en utilisant son autre main pour explorer ce corps de rêve. Cette fois, les talons claquent sur le pont. Arlette va arriver dans la zone d'ombre où il n'y a aucun réverbère. Ça y est, il la ceinture d'un bras, lui colla la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Elle tente de se débattre, mais il la plie légèrement en avant et comprime sa cage thoracique. De l'autre main, il part en exploration sur ce corps dont il a si souvent rêvé. Il pétrit les seins, en apprécie la texture et descend vers le pubis qu'il commence à malaxer. Arlette semble se détendre et se comprime un peu plus contre lui. Elle commence à aimer ça. Soudain, d'un mouvement brusque, elle se libère de son étreinte et lui fait face. Il entreaperçoit un geste brusque et circulaire du bras d'Arlette et il a immédiatement l'impression que sa tête vient d'exploser. Il ressent une douleur intense du côté gauche de sa face et envoie ses bras en avant dans un réflexe de protection. Une autre douleur dans la région du foie vient soudain le terrasser, le faisant se plier en avant. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Chancelant, il essaye de gagner le large, mais un autre coup lui broie l'épaule. Perdant leur tout contrôle, ils se mettent à appeler au secours et regagnent l'autre côté du pont en piteux état. Dans son dos, il entend vaguement les pas d'Arlette s'éloigner. Exténué, il se laisse tomber contre une porte. Il sent un ruissellement chaud le glisser sur la joue et dans le cou. Ses lèvres finissent par reconnaître le goût salé du sang. Il vient de se faire massacrer, sans bruit, sans témoin, par une femme dont il attendait tout, sauf l'état dans lequel il se trouve actuellement. Parvenue chez elle, Arlette pose son sac fourre-tout sur la table de la cuisine. Sa mère a été bien avisée de lui recommander d'y mettre la paire de boules de son père. « On ne sait jamais. Prends-les. Si jamais tu t'es agressé. De toute façon, là où il est, ton père n'en a plus besoin. » Un petit coup d'éponge au sac. Pas question de garder le sang de ce con dessus. Elle remplace les boules par deux boîtes de petits pois d'un kilo. Elle met un peu de désordre dans son vêtement, dans sa coiffure, et remarque dans la glace une éclaboussure de sang sur son chemisier. Tant pis, il faudra m'y raconter quelque chose gendarme. Un soulier à la main, elle va taper à la porte du voisin qui a le téléphone pour appeler finalement la maréchaussée. Cette fois-ci, les gendarmes vont connaître l'identité de l'agresseur, c'est sûr.